c'est minable, minable, minable. Mais je rentrerai pas ce soir là, non, nina, nina, nina. Parce que dans le coffre, avec la cocaïne, ina, ina. Garde un parquet pour mettre, bâtard, passe la pommade. Vaillant, rentre la fumette. Parle d'aron en pleurs, deviens méchant, c'est mieux. Gazé toute la semaine, gazé dans la cellule. Petit frère part à l'école, week-end viscère tous les carnets. Terrain cramé à l'éthanol, claquage de porte faut détaler. Porté sur la parole, j'ai les bons comptes, les bons amis. Porté sur l'apparence, même en promenade pour des années. Nina, nina, nina, ouais. T'es pas comme ces billages, ouais. J'crois que j'ai raté le virage, ouais. J'pense à toi quand j'piave, ouais. J'le fais jamais bien, non. J'te fais toujours mal. J'ferai toujours la même merde, mais j'serai toujours là. Nina, nina, nina. Personne me